Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Période glaciaire. Tableau Candon Agassiz, rhinocéros et mammouths anéantis, îles à ossements, ivoire fossile congélation d'animaux étrangers à la contrée, hypothèse de Gmelin et de Pilla, de Buffon. Preuve que la congélation fut subie découverte d'un mammouth antédiluvien, sa chair mangée par des ours, blocs erratiques, leur rapprochement avec les moraines, la Méditerranée changée en glacier, prétendu refroidissement du soleil, ses conséquences, embarras causé par le silence de Moïse. Je ne saurais mieux indiquer la portée vraie de ce mot qu'en empruntant à Agassiz ce qui va suivre. À un moment donné, a-t-il dit, un vaste manteau de neige et de glace recouvrit tout à coup les plaines, les vallées, les terres et les plateaux. Toutes les sources tarirent, tous les fleuves suspendirent leur cours. Au mouvement d'une création nombreuse et agissante succéda un silence de mort. Les mammouths et les rhinocéros périrent par millions au sein de leur pâturage congelé, c'est alors que ces deux espèces disparurent et furent effacées du globe. D'autres animaux, surtout les hippopotames, succombèrent de même en grand nombre, leur race, toutefois, survécu au désastre. Voilà comment s'exprime Agassiz, qui n'est, en cela, que l'interprète de la science moderne, la paléontologie donnant raison à chacune de ses paroles. Ainsi la période glaciaire a anéanti jusqu'au dernier les rhinocéros et les mammouths. La quantité de ces animaux qui ont péri de la sorte se compte par millions ou plutôt par centaines de millions. Ce qui le prouve, c'est qu'il existe sur les côtes de la Sibérie des îles dites, îles à ossements, dont une de 36 lieues de long, entièrement formée, de leurs débris mêlés au sable et à la glace. Ce sont 16 îles qui, depuis plus de 500 ans, fournissent l'ivoire fossile qu'utilise aujourd'hui l'industrie, comme les îles Chincas fournissent le guano qu'emploient nos agriculteurs. Malgré les immenses vides qui en résultent, rien ne fait prévoir que ces précieux gisements doivent s'épuiser de sitôt. Comment expliquer la présence sur les rivages des mers polaires d'animaux qu'on ne rencontre aujourd'hui que sous le ciel du midi? Samuel Gottlieb Gmelin et Pallas voulaient qu'ils y eussent été entraînés par une inondation formidable, produite par le déplacement de la mer des Indes. Mais il est parfaitement démontré que ces animaux diffèrent essentiellement des espèces de même nom qui vivent encore aujourd'hui en Asie. D'ailleurs, les terrains où on les rencontre ne portent aucune trace du cataclysme dont ils auraient été les victimes. Puis remarquez que tous ces animaux étaient couverts de poils épais, nouvelle preuve qu'au lieu de venir des pays chauds, ils étaient originaires de la contrée même où l'on a découvert leurs cadavres. Serait-ce qu'ils auraient été victimes du refroidissement successif du globe que Buffon prétend s'être opéré du pôle à l'équateur? Mais la théorie du célèbre naturaliste trouverait, ici encore, sa réfutation en ce qu'il est de toute évidence que ces animaux ont été subitement saisis par un froid extraordinaire qui les a tués sur place. On en a retrouvé des cadavres tout entiers, avec leur peau, leur chair et leurs os, conservés naturellement dans la glace, comme nous conservons les viandes dans une glacière. Telle est, par exemple, l'histoire du mammouth découvert en 1799 par un pêcheur près de l'embouchure de la Léna, Sibérie, lequel était dans un si parfait état de conservation que les ours blancs s'en disputèrent les chairs. Quant à son volume, je ne saurais mieux en donner l'idée qu'en disant que sa tête seule, sans ses défenses, pesait plus de 400 livres, et que sa peau, garnie d'une partie de ses poils, formait la charge de 10 hommes. Ce colosse antédiluvien figure aujourd'hui au musée de Saint-Pétersbourg. Note. Joseph de Maistre, l'illustre auteur des soirées de Saint-Pétersbourg, en parle avec enthousiasme. « J'ai vu, dit-il, le fameux mammouth, qui date de 4000 ans, j'ai touché et retouché l'oreille, encore tapissée de poils, j'ai tenu sur ma table et examiné à mon aise le pied et une portion de la jambe. Cinq ou six fois de suite j'ai flairé cette chair, jamais l'homme le plus voluptueux n'a humé les délicieux parfums de l'Orient avec la suavité du plaisir que m'a causé l'odeur fétide d'une chair antédiluvienne. » Fin de la note. Il est donc impossible, je ne saurais trop le répéter, d'expliquer la conservation si parfaite de ces animaux autrement que par un froid très vif et subit qui les aurait congelés tout vivants. Si, remarque Cuvier, ils n'eussent été gelés aussitôt que tués, la putréfaction les aurait décomposés, et, d'un autre côté, une glace éternelle n'occupait pas auparavant les lieux où ils ont été saisis, car ils n'auraient pas pu vivre sous une pareille température. C'est donc le même instant qui a fait périr ces animaux et qui a rendu glacial le pays qu'ils habitaient. Cet événement a été subi, instantané, sans aucune gradation. Ces congélations d'animaux ne sont pas la seule preuve matérielle de la période glaciaire. On en trouve de tout aussi concluantes dans la disposition des blocs erratiques. On sait qu'on appelle en géologie blocs erratiques des fragments de rochers, parfois énormes, gisant à des distances plus ou moins considérables des formations auxquelles ils ont originairement appartenu. Or, comme aucun agent physique, pas même un courant maritime, quelque impétueux qu'il fût, n'aurait pu les entraîner jusque-là, il faut bien admettre qu'ils y ont été transportés par des glaciers, à la manière des moraines. Note. On appelle moraines les rochers qui, détachés des montagnes, tombent à la surface des glaciers et sont transportés par eux dans le mouvement de translation qui leur est propre. Fin de la note. Ainsi, par exemple, on en observe sur le littoral de l'Italie ayant bien évidemment appartenu au sol africain, puisqu'on rencontre sur la rive opposée les marques, je pourrais dire les cicatrices de cette séparation. Comment admettre que ces blocs aient pu franchir toute la largeur de la Méditerranée autrement qu'à la surface de cette mer transformée en un immense glacier ? D'où il faut conclure qu'à une certaine époque l'Europe tout entière et d'autres régions encore furent ensevelies sous un manteau de glace. Quant à expliquer la cause de ce refroidissement subi, nous avons vu, par le peu de fondement des hypothèses proposées, que la science est complètement muette à cet égard. On a été jusqu'à supposer, faute de mieux, que pendant un certain temps le soleil avait perdu de sa chaleur, d'où la congélation du globe. Mais remarquez que cette congélation n'eût pu être partielle, elle eût été forcément générale, ce qui aurait amené l'extinction de toute vie sur notre planète, et rendu ainsi nécessaire une création nouvelle, chose que personne n'admettrait aujourd'hui. Puis, prenez garde, ce refroidissement du soleil ne serait rien moins qu'un miracle, et un miracle bien plus extraordinaire encore que celui qui, à la voix de Josué, suspendit pendant 24 heures le mouvement de rotation de la Terre. Et vous accepteriez ce miracle sans sourciller, alors que l'autre a provoqué de votre part de si vives protestations. Voyons. Ayez le courage de l'avouer, comme je l'avoue moi-même, vous ne savez pas plus que moi le premier mot sur tout cela. Quel malheur pour nos darwinistes que Moïse n'ait rien dit de la période glaciaire, c'est qu'il n'avait point en parlé, puisqu'en supposant que l'homme exista déjà, ce que semblent prouver les récentes découvertes faites par les Danois dans l'Escove Mose ou Marais à Forêt, il aura dû être à l'abri de la catastrophe, aucun fossile humain n'ayant été rencontré parmi les débris datant de cette époque. Si seulement Moïse en eût dit quelques mots, ces quelques mots leur auraient suffi, puisqu'il n'aurait eu, suivant leur habitude, qu'à en prendre le contre-pied, pour avoir à l'instant même une théorie toute trouvée. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.